4. Je non. me suis par ma tête. Donc là, tu vois, ça marche pas. Donc papa, il coupera. Ouais. Oui. Ouais. Hey, Lou, c'est quoi ça en face de toi? Je sais pas. Comment ça s'appelle ça, Ellie? Un micro. Un micro. Qu'est-ce qui se passe quand on crie dans le micro? Eh ben, il se casse. On peut le casser, celui-là, ouais. Parce que celui-là, il est fragile. Oui. Et les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'ils prennent dans les oreilles? Plein de bruit. Ouais. Des décibels. Hein? Ouais. Alors, on parle devant le micro, on fait attention à ne pas crier trop fort. Et puis, quand on a des choses intéressantes à dire, on les dit. Vous avez des choses intéressantes à dire, vous? Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Joli. Plein de sauce dessus. Petit poussin et un crocodile. Non, oui. Le ballon ou le gobelet? Ah, c'était les deux. Les deux, les deux. On dit à demain? Comme toi, alors, toi, tu souris. Mais c'est papa qui s'est trompé. Voilà, Lou. C'est super. Je vais être encore obligé de couper. Non, moi, je ne l'ai pas discuté. Dehors. À demain.